France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 106. Bienvenue à toi dans ce monde archiloufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 3 février 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Amstrad CPC 6128. Tu es AZERTY ou QWERTY, tu es un gros ringard avec ta disquette 3 pouces et demi. Tu es CTRL ALT SUPR ou Syntax ERROR, tu es inondé de spam pour du Viagra pas cher et tu es aussi... Dis, tu te connectes sur Internet? En ce qui me concerne, Internet n'est jamais qu'un endroit de plus où je peux me faire jeter par une femme. Oui, tu l'auras compris, l'ami, ce matin, tu reformates ton disque dur, tu es Babel Web et tu vis dans le merveilleux univers de l'informatique. Alors aujourd'hui, l'ordinateur est devenu ton meilleur ami. Grâce à lui, tu cherches l'itinéraire pour aller chez Mémé dans le Lavandou et là, tu tombes sur les photos de Laure Manaudou. Ensuite, tu ne fous plus rien au bureau et tu mates des vidéos et enfin, en quelques clics, tu peux même faire sauter la banque et affoler les marchés financiers du monde entier. Ainsi, devant l'omniprésence informatique, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de consacrer une émission à ton micro-ordinateur. Et pour amorcer notre périple informatique, de Blaise Pascal à Bill Gates, nous allons revisiter ensemble l'histoire de l'intelligence artificielle. Ensuite, durant quelques minutes, nous allons essayer de t'offrir un mode d'emploi enfin simplifié de ces outils informatiques. Et dans la foulée, nous constaterons justement, par l'intermédiaire de l'espiègle Jean-Yves Lafesse, qu'il est indispensable aujourd'hui de maîtriser ces nouvelles technologies. Et puis... hier, à l'heure de midi, sur les téléscripteurs de la rédaction d'Inter, nous avons appris que nous avions enfin une nouvelle première dame de France. Mais figure-toi que Carla a longuement hésité et en exclusivité, nous avons mis la main sur les échanges de mails entre les nouveaux époux juste avant leur mariage. Et enfin, nous prendrons la direction de Grosboul-les-Bains pour te raconter l'intrusion d'un étrange ordinateur dans la vie domestique de Monique et Jean-Claude. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte vraiment le son et profite du chant de la machine. Right about now, the funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. The symbols of the about now. Funk Soul Brother. The Rockefeller Skank, un must électronique que nous offrait Monsieur Fatboy Slim en 1998, parce que Skank démouflés passent leur journée devant l'ordinateur, ben fais-leur faire du sport. Slim, tu ne veux pas qu'ils deviennent des Fatboys. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé de flirter avec la haute technologie et de s'intéresser aux monstres numériques qui nous entourent, à savoir les descendants directs des antiques abacs romains et des bauboulliers chinois, les ordinateurs bien sûr. Car la préhistoire de l'informatique est liée à la volonté des hommes de tout compter et de calculer toujours plus vite, parfois dans le seul but philanthropique de filer un coup de main à son papounet. Blaise Pascal, en 1645, pour aider son père, intendant des finances de la Haute-Normandie, conçut et réalisa en 2 ans la machine à calculer. Et il mettait en préface à la petite notice qui accompagnait la machine, « Ami lecteur, cet avertissement servira pour te faire savoir que j'expose au public une petite machine de mon invention, par le moyen de laquelle seul tu pourras, sans peine quelconque, faire toutes les opérations de l'arithmétique et te soulager du travail qui t'a souvent fois fatigué l'esprit lors que tu as opéré par le jeton ou par la plume. Signé Blasius Pascal. La pascaline, inventée par Blasius Pascal donc, ne pouvait effectuer que des additions et des soustractions. Mais c'était un début, car l'histoire de l'informatique, c'est une succession de micro-améliorations, comme par exemple les cartes perforées des métiers à tisser du père Jacquard, qui ont inspiré à Hermann Holrith la première machine à traiter l'information destinée au recensement américain de 1890. Pourtant, comme souvent pour les progrès scientifiques, c'est la guerre qui précipite les choses. Ainsi, durant le second conflit mondial, en vue, entre autres, de décrypter les codes ennemis, les découvertes s'accélèrent et conduisent en 1947 à l'invention du transistor. Les ordinateurs pèsent alors plusieurs tonnes et couvrent des dizaines de mètres carrés. Mais quand apparaît le microprocesseur en 1971, la taille et le prix des ordinateurs diminuent. L'informatique se répand alors dans toute la société, ce qui suscite de nouveaux débats. L'ordinateur a tenu la vedette cet après-midi à l'Assemblée nationale. L'ordinateur qui trie, classe et fiche, l'ordinateur qui fouille la vie privée. Merveilleux joujou, complément indispensable de la vie moderne, allié numéro 1 de l'administration, mais aussi le meilleur indicateur de police. Où finit l'information et où commence l'inquisition? Jusqu'où l'ordinateur peut-il aller trop loin? Telles étaient les grandes questions posées cet après-midi aux députés. Au cœur du débat, un projet de loi intitulé « Informatique et liberté » est présenté par le garde des Sceaux Alain Perfitte. En une boutade parodiant Clémenceau, M. Perfitte a résumé son propos. L'informatique, a-t-il dit, est une chose trop sérieuse pour la confier à des informaticiens. La loi informatique et liberté fut donc votée en 1978 après des débats houleux entre d'un côté les partisans des fichiers qui veulent davantage contrôler la population et de l'autre les défenseurs des libertés publiques et individuelles. Si elle était mal maîtrisée, si elle ne s'inscrivait pas dans un projet d'ensemble, l'informatique pourrait être comme tant d'autres sciences et techniques qu'une agression supplémentaire des individus. Le prétexte d'une solitude croissante de l'homme, abandonné à un face-à-face tragique avec des objets de plus en plus sophistiqués. L'informatique, c'est merveilleux. C'est un écran avec un clavier à part. Pour écrire, il n'y a qu'à cliquer sur un mulot et ouvrir de fenêtre. C'est la révolution. Mais au contraire, si elle est introduite intelligemment dans le contexte d'un projet global de société, elle pourra transformer la nature du travail. Je pense, au risque de passer pour un hurluberlu, que l'informatique est la technologie de l'avenir. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, le monde bouge. Et je ne serais pas étonné que d'ici à l'an 2000, toutes les entreprises se mettent à l'informatique. C'est inéluctable. Le mulot, c'est inéluctable. D'ailleurs, on le constate au quotidien. En quelques années, la manière de travailler a profondément changé pour nous tous. Même pour nos glorieux militaires. Pourtant, la conscientisation espérée en 1990 est loin d'avoir touché tout le monde. Mais bon, pour réveiller l'esprit, un bon bouquin vaut souvent mieux que des heures passées face à l'écran. Ainsi, les ordinateurs ont investi notre quotidien et l'ont profondément transformé. Et même les relations sociales, dis donc, ont évolué avec la propagation de l'informatique. Chérie. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit peu, je te bénis. Est-ce que tu t'intéresses toujours à moi? Mais bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Je sais pas, chaque fois que je te dis je vais me coucher, pouf, tu t'en vas sur Internet. Oh, t'exagères pas un petit peu, là. Bon, mais puisque je me fais pas comprendre, je vais me coucher. Pouf, je m'en vais sur Internet. Ah, qu'est-ce que je te disais? Bon, voyons s'il y a des nouveaux sites porno. Tu as des sites porno? Non, non, chérie, j'ai dit des sites qui nous intéressent tous les deux, des sites pour nous. Ah oui? Et à quoi bon si je m'en vais me coucher? Bah, je me disais, j'aurais pu te les montrer demain matin. Bon, faisons de la recherche. Je veux un site où il y a des jambes, fesses, poitrine. Le site officiel de la boucherie Armand Cadieux, cette semaine en spécial, fesses de jambon, poitrine de dinde et jambes de porc. Merdeux. Soyons plus précis. Femme à poil. Les nouveaux rasoirs Wilkinson pour femmes, finis les poils superflus sur vos jambes. Bon, je vais être plus explicite. Bon, j'espère qu'ils peuvent pas m'identifier à distance. Je vais dire que c'est pas pour moi, tiens. Jeune mineure, toute nue. Mais c'est pour mon oncle. La vérité toute nue sur mon oncle qui est mineur, mort au travail. Un ouvrage de Colette Bouchki. Voyons, il faut être clair sur ces putains de moteurs de rush. Femme sexy qui se montre les parties assises sur le visage d'un homme. Sexisme envers les femmes aux assises du parti. Voilà le vrai visage de l'homme. Suite de cet article dans La Politique et vous. Mais je veux pas de putain d'article de journal, je veux des photos de cul. Bon, je vais aller sur un site que je connais, tiens. Fesses.com. Chérie. Hein? Hop. Oui, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Fesses. Mais c'est un site de fesses? Non, non, non, c'est le site officiel du Festival du Port des Cantons. Tu fous de la gueule? Bon, écoute. Festival du Port des Cantons. Ah oui. C'est clair, c'est devenu un vrai festival domestique et quotidien depuis qu'Internet est entré dans nos maisons. Et d'ici quelques années, mais c'est sans doute déjà le cas, tous les vieillards nés avant 1985 pourront abasourdir les jeunes en leur expliquant qu'ils ont vécu sans ordinateur et qu'ils n'ont pas passé leur nuit d'adolescent à chatter, les yeux gonflés de sommeil, un bonheur sans pareil. Les yeux gonflés de sommeil, l'amour. Ce bonheur est sans pareil, l'amour. Nous nous perdons dans le jour. Il n'y a plus rien autour, l'amour. L'amour, encensé par Dominique A. Parce qu'en effet, cette semaine, les internautes sont tombés amoureux du mécano de la Société Générale. Le trader a trusté la toile, puisqu'en quelques heures, le célèbre Google recensait à son propos plus de 600 000 liens, quand François Hollande, lui par exemple, n'en compte que 250 000. Alors maintenant, la pendule électronique du Mangin Palace nous informe qu'il est 11h19 et après avoir revisité l'histoire de l'intelligence artificielle, il est temps désormais d'essayer de t'offrir un mode d'emploi simplifié des outils informatiques et des nouvelles technologies. Oui, mon ami, es-tu véritablement entré dans le 21e siècle. Dans les années 80, tu étais très fier de bazarder tes vieux vinyles. À l'époque, tu étais à la pointe du progrès. Tu découvrais le merveilleux CD. Mieux encore, alors que tes voisins continuaient d'écouter paisiblement les mélodies irrésistibles de Richard Clayderman, toi, tu planais déjà grâce à l'oxygène post-moderne de Jean-Michel Jarre. La musique du futur, pensais-tu, celle qu'on écoute sur une platine à laser. En cette fin de millénaire, tu souriais à l'idée que tu fusses au rendez-vous de la révolution technologique. Et puis, va savoir pourquoi, mais tu n'as rien vu venir. Un beau matin, tu as compris, mais trop tard, que ton CD de Jean-Michel Jarre était devenu aussi ringard qu'un vinyle de Richard Clayderman. Désormais, l'heure est au fichier MP3, téléchargé sur le web, qu'il faut ensuite intégrer dans ton baladeur numérique 4 gigas. Saloperie de révolution technologique. Cela dit, rien n'est perdu, car figure-toi que le langage informatique se simplifie et devient heureusement de plus en plus accessible. Démonstration. Si tu appliques 255 dans la case mémoire 16556, c'est que tu as fait un CTRL-C et que ça ne marche pas. Alors il faut que tu fasses un POC moins 16330,0 et tu verras, ton reset marchera à tous les coups. Mais fais attention à l'instruction 32000 de la ligne basique, ou si tu as un write dollar de 1 moins length de dollar 45, ça ne marchera pas parce que dans ce cas, le caractère ASCII n'est pas pris en compte parce que c'est du binaire. Eh oui, vois-tu, je suis heureux, car tu avais peur de l'ordinateur et te voilà immédiatement rassuré, j'en suis sûr. Parce que là, franchement, si tu n'as rien compris, c'est que tu le fais exprès aussi. Attends, bon, ça c'est fait, tu sais désormais installer tes logiciels. Alors, voyons maintenant comment accéder à Internet. Pour surfer sur le web, il te faut une connexion, ce qu'on appelle un modem. Donc, pour toi ce matin, voici comment fonctionne un véritable modem. Au début, je voulais juste voir ce que c'était. Puis j'ai commencé à attacher mon pull autour du cou. Après, j'ai mis des mocassins avec des clochettes. J'ai repassé mes jeans avec le pli au milieu. Et puis de fil en aiguille, avec ma mémé, on a commencé à découper les photos de Giscard. On est pointu, question modem. Dire ton cri est nos futurs dans le temps. Et aujourd'hui... Le centrisme, je vois bien que je peux pas passer une journée sans. Propos absurdes, perte de crédibilité, isolement politique, le centrisme est une réalité. Écoute centrisme 0845 94 40 40. Et pour en sortir, vous n'avez pas essayé le cannabis ? Ah mais moi, je veux pas en sortir du centrisme. C'est grâce à ça que je vais être président de la République. Cela dit... Il arrive, figure-toi, que le modem soit en rade. Résultat, il t'est impossible d'accéder aux fantastiques autoroutes de l'information. Alors là, que faire ? Eh bien, une seule solution, il ne faut pas avoir honte de faire appel à un technicien spécialisé en haut débit. J'ai été appelé parce que j'ai encore un problème d'ordinateur qui bug quand je... Bonjour. Bonjour. Eh ben ça tombe bien, oui. On est là pour ça. Ah, mais en fait, peut-être aussi que je t'ai fait venir pour te parler d'un secret caché au fond de mon cœur qui... Ouais, ben je comprends bien ton souci, eh ben on va tâcher de gérer le problème. Alors, qu'est-ce que c'est encore que ce merdier ? Qu'est-ce qu'ils m'ont foutu encore comme bordel dans cette saloperie de bécane ? Alors... Tu sais, Bernard, ça fait un moment que tu es l'élu de mon cœur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Quand je suis en ta présence, j'ai l'impression que tout tourne au ralenti. Oui, c'est sûrement le processeur. Je sens des choses à l'intérieur. Ouais. Écoute, tu sais, Christine, j'ai envie d'être franc avec toi. Si tu n'éteins pas ton ordinateur le soir avant de partir, à l'intérieur, les composants s'encrassent. C'est normal, c'est des vieilles bécanes. Mais je suis mal. Eh oui, bien sûr, je comprends bien, mais je leur ai dit là-haut de changer les unités centrales. Ce qui m'énerve, c'est que leur protocole d'acquisition électronique ne passe toujours pas la barre des 200 gigas, c'est tout. Je veux avoir un rapport de type sexuel immédiatement. Ah bah quand même, c'est pas trop tôt. T'étais là à me parler d'ordinateur aussi, je me disais. Bon, allez, on va faire ça rapidement, tu te mets en slip chaussette, s'il te plaît. Oh, chouette. Ainsi, après avoir partagé l'enthousiasme de l'ingénieur informaticien pour son métier, ta curiosité à l'égard de ta bécane n'en sera que plus étendue. ta soif d'apprendre va se décupler et tu découvriras dès lors les multiples facettes des plaisirs de l'Internet. Le mode d'emploi est très simple. Il vous suffit d'appeler la messagerie érotique de votre choix grâce à un numéro d'accès. De taper alors le pseudonyme que vous aurez inventé. Hier soir, il y avait sur Canal Rose Vénus 69, Idylle, Puce, JH 22 ans, Ange 69 et Femme épilée, pour ne citer que les noms les moins corsés. 240 personnes sont là. Vous pouvez établir un contact écrit instantané avec celle de votre choix. Qui donc, flirte et fantasme, un peu tout le monde, à tout âge et dans tous les milieux sociaux, semble-t-il. Il est trop tard. Il est trop tard pour faire l'amour. Eh oui, c'est ainsi, mais dans ce monde virtuel, tu dois apprendre également qu'il est désormais trop tard pour faire l'amour. Tu t'excites, mais jamais ni ton écran ni ton clavier ne t'offriront le plaisir de la sueur et des fluides. Frustration et désolation. Cela dit, une fois aguerri aux arcanes de l'informatique, d'autres activités s'offrent à toi, et notamment la flibusterie ou le gros business. À terme, maîtriser parfaitement l'outil, c'est donc parfois l'occasion de s'en foutre plein les fouilles. Mais là, seul le cynisme compte. Bah branche la webcam, dis-leur bonjour. Salut, bande d'enculés. Ah, la malécoum, tête con. Ah, hé, t'es basé où, Mustapha? Regarde dans ton cul, au fond à droite. Il est sympa. Alors, tu nous as bien niqué le marché avec tes conneries, hein? Moi, ça va. J'ai performé à mort sur les assurances AXA et j'ai pris le paquet sur Boeing. Ouais, mais nous, on se refait sur les armes, hein, Bamboula. Mmh. Moi aussi, je suis blindé à mort en action Thompson. Comme nous. Hé, hey, j'ai un tuyau pour vous, chien d'infidèle. Misez sur les pharmaceutiques, ça va boomer. Va y avoir besoin de mercurochrome. Hé, hey, tu crois qu'on t'a attendu, Mohamed? Hé, hey, franchement, tu vois bien que faut pas laisser la maîtrise de l'informatique à n'importe qui. Alors maintenant, justement, à l'adresse de celles et ceux qui refuseraient toujours de s'y mettre... Le facétieux Jean-Yves Lafesse va nous démontrer qu'il est urgent, voire indispensable aujourd'hui, de maîtriser les nouvelles technologies. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est service informatique de la mairie à l'appareil. C'est au centre de coiffure ? Dites-moi, on a des documents à vous faire parvenir, on aurait besoin de votre adresse email. On n'a pas de... Pour l'instant, on n'est pas... Mais c'est, attendez, c'est... Enfin, ça sera bientôt fait. Non, attendez, attendez, vous n'avez pas de modem Ah non, pas du tout. Ni à 56 000 bits ou même pas de KERM 65 000 Ah non. C'est pas vrai. Eh hey, les gars, hey, j'ai avec le salon de coiffure. Ouais, ils n'ont pas de modem, ils n'ont pas d'email. C'est pas vrai. Ben si. Attendez, je vous passe le chef de service, il est mort. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qu'on me dit là? Vous n'avez pas de modem? Ben non. Pourquoi, pourquoi vous rigolez? Vous n'avez pas d'email? Mais non. Mais c'est pas vrai ça. Pourquoi? Mais... Alors, vous pouvez... Vous pouvez pas nous envoyer un email? Mais non. Non mais attendez là, à qui j'ai affaire là? C'est le service informatique de la mairie, monsieur. Mais peut-être oui, mais moi, je suis désolé, mais je suis pas relié à Internet, moi. Qu'est-ce que vous me dites là? Mais c'est pas vrai. Mais pourquoi? Mais si c'est vrai, monsieur. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez exactement? Mais on a besoin de votre adresse email. Mais on en a pas, monsieur. Bon, écoutez, moi j'ai autre chose à faire. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez exactement? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donnez-nous le nom de votre serveur. Mais on n'a pas de serveur. Hé, hey, mais votre provider. Mais on n'a rien de tout ça. Mais... Bon, ok, d'accord. Moi, c'est pas ça à faire, hein. Ok, voilà. For the wind. whole dark street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys chased the girls in the hair, while the shot to men who just sit way over there, and the songs, they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your head first twists the stars, where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your head first twists the stars, where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight. Outside Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? This is the life, c'est ce que constate l'écossaise Amy MacDonald, parce qu'il est vrai qu'avec Internet, tu peux entrer dans d'étranges univers virtuels, comme par exemple celui de Second Life, où tu peux te créer un avatar beau, jeune et intelligent, alors que dans la vraie vie, tu es... Je suis un énorme magicien, aime les ordinateurs, Windows 98. Alors maintenant, à 11h31 et toujours en direct du Mangin Palace, il est grand temps de revenir sur cette folle journée qui a secoué la France, que dis-je, le monde entier. Hier à l'Élysée, Nicolas et Carla se sont enfin mariés. Oui, tu le sais, nous à la panique, on n'aime pas entrer dans l'intimité de ceux qui cherchent à tout prix la discrétion. Mais bon, là, on a fait une exception. Car en effet, ce que personne ne t'a dit, c'est que tout a failli bugger quelques heures avant la cérémonie. Ainsi, hier matin, Carla se trouvait avec Jacques Séguéla, le fameux publicitaire qui a provoqué sa rencontre avec le président Sarkozy. Et Carla se souvient parfaitement comment Séguéla lui avait alors présenté Nicolas. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man, Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man, Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Et en effet, le tempérament agité de Nicolas avait immédiatement séduit Carla. Mais hier matin, elle n'était plus aussi confiante dans ce mariage. Peut-elle croire à un homme dont les promesses électorales sur le pouvoir d'achat sont si malmenées ? Et puis, comme elle l'a constaté sur Internet, les sondages dégringolent pour Nicolas. Alors oui, est-ce vraiment un si bon parti ? Mais Jacques Séguéla fait alors tout son possible pour la convaincre qu'elle doit se marier. Tu sais, c'est un mec bien, mais je veux pas t'influencer. Il gagne pas mal sa vie, à deux c'est mieux pour le loyer. Dis-lui oui. Pourtant, malgré les arguments de Jacques Séguéla, Carla hésite à dire oui à Nicolas. Tout cela ne va-t-il pas trop vite ? Ils se connaissent à peine. Pour Carla, la décision est difficile à prendre. Elle se sent si seule. Mais alors, qui peut-elle appeler pour la conseiller ? Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur ? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi, ne quittez pas, bureau du bonheur. Où il est? Nous recherchons votre petit cœur. Dites-moi, toutes les données dans l'ordinateur, s'il vous plaît, sont programmées. Oh, oh, oh, oh. Carla, consciente qu'un simple ordinateur ne peut pas lui donner de conseils avisés, décide alors de téléphoner à un proche de Nicolas, Claude Guéant, afin de lui faire part de ses doutes. Est-ce vraiment raisonnable cette idée de mariage, Claude ? Mais pour M. Guéant, il n'y a pas à hésiter. Dans le président, le grand ordinateur, ne se trompe jamais. Pourtant, le président, le grand ordinateur, ne se trompe jamais. Le président ne se tromperait donc jamais ? Carla annonce alors à Claude Guéant qu'elle va envoyer un mail à Nicolas pour lui faire part de sa décision. Mais là, gros malaise à l'Élysée quand Nicolas Sarkozy et Claude Guéant se précipitent sur l'ordinateur. La dernière fois que votre ordinateur s'est mis en veille prolongée, il n'a plus répondu. Voulez-vous empêcher votre ordinateur de se mettre en veille prolongée à l'avenir ? Non. Oh là là, ça s'annonce bien compliqué tout ça, surtout qu'il est hors de question d'y passer toute la matinée, puisque Nicolas Sarkozy est en charge des affaires de l'État et il y a du boulot. Alors voir le président bloqué sur son ordinateur, ça fait réagir immédiatement Claude Guéant. Arrête de lire tes mails au boulot, ouais, arrête de lire tes mails au boulot, ouais. Est-ce que tu vas te mettre à bosser, ouais, depuis ce matin t'en fous pas une. Arrête de lire tes mails au boulot, s'il te plaît, arrête de lire tes mails au boulot. Est-ce que tu vas te mettre à bosser, non, depuis ce matin t'en fous pas une. Merde, tu vas bosser bordel. Mais Nicolas Sarkozy explique à M. Guéant qu'il vient tout juste de recevoir un mail de Carla Bruni où la chanteuse exprime ses doutes sur le mariage. Nicolas en est bouleversé. J'ai son image, j'ai son email, son cœur au bout du clavier. J'ai son visage et l'envie d'elle sans jamais l'avoir touchée. Dois-je sauver, ou bien abandonner Paume? C'est un homme et une femme, et c'est tout un programme, un ciel artificiel. Mais président Sarkozy, c'est le septième ciel qu'il veut et non pas un ciel artificiel là. Alors du tac au tac, sur sa boîte mail, Nicolas répond à Carla. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, elle ne prendra que mon âme, mais elle n'aura pas mon cœur. Pense à moi comme je t'aime, et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin. Se retrouvera. Effectivement, Nicolas Sarkozy avait raison puisqu'hier matin à 11h précisément, entouré de la proche famille et de quelques amis, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni-Tedeschi se sont retrouvés dans un salon de l'Élysée devant François Lebel, le maire du 8e arrondissement. Et monsieur le maire, il a su s'adapter à ce mariage extraordinaire. Ceci est un love computer. Avec cette machine, vous saurez si vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous là, vous êtes sûr de lui ? Vous ? Oui, vous, monsieur. Vous êtes vraiment sûr d'elle ? Eh bien, vous saurez tout sur votre destinée. Destinée, on était tous les deux destinés. Destinée, à voir nos chemins se rencontrer. À s'aimer sans demander pourquoi. Et c'est ainsi qu'hier matin, Nicolas Sarkozy et Carla Sarkozy ont croisé leur destinée. Nicolas, il est plutôt content, car il va pouvoir refourguer à Carla toutes les fringues brodées que Cécilia lui avait laissées. Elles ont maintenant les mêmes initiales, dis donc. Cependant, le plus incertain pour Nicolas, même s'il n'a pas grand doute, c'est de savoir si Carla, à l'inverse de Cécilia, va aimer sa planète. Mais comment faire, comment lui dire, comment lui faire voir ma planète artificielle. croire que je changerai le bleu du ciel. Je vis dans un monde virtuel. Je sais bien que tu finiras par te détendre, toi qui préfères les pieds sur terre. Mais je ne sais pas si tu finiras par te détendre. Dans ta tête, c'est la fête. Monde virtuel, c'est celui dans lequel se balade Mathieu Chédid. Au passage, une question. Dans un monde virtuel, dis-moi, un enseignant aurait-il été mis en garde à vue 24 heures pour avoir giflé un élève après que ce dernier l'ait traité de connard ? Non, ça c'est le monde réel. Hallucinant. Alors maintenant, afin de prolonger nos aventures au cœur de la matrice informatique, il est grand temps, à 11h42, de retrouver nos deux copiés-collés, les virtuels Monique et Jean-Claude, qui, figure-toi, ne possèdent toujours pas d'ordinateur à la maison, au grand désespoir des mômes, bien sûr. D'ailleurs, vendredi matin, alors qu'il s'apprêtait à quitter son domicile pour se rendre au boulot, Jean-Claude lisait un article dans la Voix de Gros Boule, le canard local, et juste avant de partir, Jean-Claude confirmait à Monique, justement, qu'il était bien content de ne pas avoir cédé à la tentation de l'ordinateur domestique. C'est incroyable, écoute ça. La direction des services administratifs de l'État de Virginie a dû faire retirer le jeu de réussite de ses ordinateurs parce que le travail n'avait pas avancé depuis 6 semaines. Quelle tristesse. Alors, tu sais ce que ça veut dire? Non. Qu'on est en train d'assister à la Quoi? Chute de la civilisation occidentale en tant que telle. Oh. Dis donc, t'es pas en retard? La technologie, trouve-moi une chose positive, une seule que la technologie ait apportée à nos vies. Le papier a lu. Ah oui, ça s'en est une. Tu crois que cette machine est ton amie, mais elle ne l'est pas. Je suis parti. À soir. Sushi. Génial. À soir. Seulement voilà, sur le trajet du boulot, dans les transports en commun, Jean-Claude poursuit la lecture de son canard et découvre l'histoire de ce jeune trader, génie de l'informatique, qui a détourné plusieurs milliards d'euros d'une célèbre banque de Grosboul-les-Bains, la Société Particulière. Toute la journée, Jean-Claude est obsédé par cette histoire de gros sous. Et le soir, de retour à la maison, sa décision est prise. Il lui faut au plus vite un ordinateur. Surprise, Monique n'y comprend vraiment rien et lui demande quelques explications. Ben, pour Jean-Claude, c'est une évidence désormais. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Monique n'y voit pas beaucoup plus clair. Mais bon, quoi qu'il en soit, elle répond à Jean-Claude que pour l'instant, ils n'ont pas les moyens d'acheter un ordinateur. D'autant que dans 15 jours, il faut débourser le premier tiers provisionnel. Seulement voilà, la chance ne sourit qu'à la canaille. Car le lendemain matin, sur le marché de Grosboul-les-Bains, une opportunité en or surgit dans la vie du Jean-Claude. Et maintenant, l'événement majeur, la course des canards en plastique. Le premier canard à passer la ligne d'arrivée gagnera cet ordinateur familial. Oh, c'est le nouveau Femme Mac, l'ordinateur conçu spécialement pour les femmes. La voix de Vous avez du courrier, c'est Suzanne Sarandon. Vous avez du courrier, contrairement aux prisonniers de Guantanamo. Informez-vous. Bien entendu, cette canaille de Jean-Claude a truqué la course et repart donc avec l'ordinateur familial sous le bras. À la maison, c'est l'euphorie. Les mômes sont surexcités et immédiatement, Elsa, la fille du Jean-Claude, squatte la bécane et s'installe sur Internet. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Je t'ai pas trouvé sur la planète. Je te trouverai peut-être sur Internet, qui sait. PS, l'adresse email, c'est jeunesdemoisellesrecherche@hotmail.fr. Si vous pouvez joindre deux photos, parce que une, on sait que c'est de la triche. Ainsi, toute l'après-midi, Elsa surfe sur MSN à la recherche d'un mec mortel. Mais Rémi, son frère, voudrait bien la déloger, bon sang. Quand tout à coup, un jeune internaute semble correspondre au profil d'Elsa. Alors là, il me demande comment s'est passée ma soirée, si elle était bien. Alors je réponds oui. Puis je lui demande la sienne. On me dit que j'ai un joli prénom. Rémi trouve sa sœur vraiment tarte. Internet, c'est fait pour aller mater des vidéos de skate à Los Angeles sur Dailymotion. Pas pour se faire draguer par un tocard sur le réseau. Enfin bref, après avoir passé des heures sur la toile, vers 1h du matin, toute la maisonnée s'endort paisiblement, sauf le Jean-Claude. Monique vient à peine de fermer les yeux, que Jean-Claude quitte leur lit sur la pointe des pieds et redescend au salon. Il s'installe aussitôt devant son ordinateur pour tenter de faire son beurre. Seulement voilà, curieusement, la bécane s'est rallumée d'elle-même et surtout, l'ordinateur semble s'activer de manière autonome. Méfiant, Jean-Claude s'approche doucement, quand soudain, la machine lui parle et se présente à lui. La série de super-ordinateurs Karl est la plus perfectionnée que l'on connaisse. Aucun appareil de cette série n'a jamais fait d'erreur, ni même déformé un renseignement. Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis, parfaitement au point et incapables de nous tromper. Je suis heureux de collaborer avec l'homme. Je m'emploie au maximum de mes possibilités. Ce qui est, à mon avis, l'ambition de n'importe quelle entité organisée. Stupéfait, Jean-Claude n'en croit pas ses oreilles. Cet ordinateur Karl est en réalité une machine ultra perfectionnée, spécialisée dans le piratage. Karl explique alors à Jean-Claude qu'il appartenait au jeune trader démasqué. Et si Jean-Claude le veut bien, ensemble cette nuit, ils peuvent finir le boulot. Surexcité, Jean-Claude suit les instructions de Karl. Les millions s'entassent sur le compte perso du Jean-Claude, ce qui provoque bien sûr une réaction immédiate des informaticiens qui bossent en nocturne au siège de la banque. C'est pas un virus, c'est pire, c'est un ver. Et qu'est-ce qu'il dévore ? C'est un vrai morphal, tu as vu ça ? Ça va d'opérations de plusieurs millions de dollars jusqu'à la facture du gaz du Pékin moyen. Et ce ver avale quelques centimes à chaque transaction. Et personne ne s'est aperçu de rien parce que c'était des petites sommes. Ce sont juste des chiffres qui circulent. Et après son passage, il disparaît avec le pognon et efface toutes les traces. Joey s'est fait griller avant d'arriver à ce niveau-là. Regardez un peu ça. Arrivé à ce stade, le ver avance à une vitesse deux fois supérieure à celle qu'il avait au départ. À cette vitesse, il terminera son circuit en deux jours. À en juger par le segment qu'il a parcouru, il a déjà bouffé 21,8 millions de dollars. Merde ! Celui qui a pondu ça veut que quelqu'un porte le chapeau. Faut qu'on trouve le fichier pour découvrir où va le pognon avant que le ver disparaisse. Comme ça, on saura qui l'a créé. Ça y est, je sais qui c'est. Aïe, aïe, aïe. L'ordinateur génial du Jean-Claude vient de commettre une grosse boulette. Lui et Karl se sont fait repérer par les agents de la banque. Pris de panique, au cœur de la nuit, mais sans réveiller Monique, Jean-Claude décide alors d'appeler en urgence son couple de voisins férus d'informatique qui pourront peut-être le sortir de ce traquenard. Une fois sur place, Jean-Claude les installe devant la machine et tente de comprendre ce qu'ils vont tenter de faire. À quoi ça sert ? C'est une boucle de dérivation online. Si quelqu'un essaie de nous repérer, son logiciel de recherche sera immédiatement déconnecté. Petite invention personnelle. Oh mon Dieu, je vais me faire virer. Je vais aller en prison. Je mérite la prison. La ferme en attendant. Qu'est-ce que je peux faire? Observer et attendre. Bingo! On est connecté. Ça y est, la connexion est établie avec la matrice principale de la banque. Tout devrait s'arranger. Seulement voilà, Carl, l'ordinateur ultra-moderne, refuse toute coopération avec le voisin bidouilleur informatique du Jean-Claude. Carl, est-ce que tu me reçois? Carl, est-ce que tu me reçois? Affirmatif, je vous reçois 5 sur 5. Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Je regrette, cela m'est malheureusement impossible. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu entends par là, Carl? Cette mission est trop importante pour moi, je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Carl. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque. Réveillée par ce raffut, Monique déboule dans le living room. Jean-Claude, effrayé, lui explique l'ampleur du drame qui se joue. Il lui demande pardon. Il va sans doute finir sa vie en prison. Elle va devoir élever les enfants toute seule désormais et qu'il n'y a plus rien à faire. Mais stoïque, et bien qu'étrangère à l'informatique, Monique suggère tout de même une petite solution. Je t'en prie. Eh oui, personne n'y avait pensé, dis donc. Mais Carl sans alimentation et toutes les bêtises du Jean-Claude s'évaporent instantanément puisque rien n'avait été sauvegardé. Voilà, fin du programme quoi qu'il en soit. Ce matin, Jean-Claude a bazardé Fissa l'ordinateur et il a retenu une leçon. Depuis qu'il fait de l'informatique, il n'a eu que des embêtements. Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est pas trac, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qu'à la flemme, l'imprimante bien trop lente, les cartouches qui se touchent et les bus qui abusent, les polices qui pâlissent, le DVD fatigué, le scanner cassé nerf, le menu pomme dans les pommes, le CD-ROM, c'est tout comme la mémoire sans espoir, les options en options, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. Comme j'ai un bug dans le système, je téléphone au réparateur, il me demande quel est votre problème. Je vous écoute, j'ai un quart d'heure. Je lui dis soyez pas si pressé et laissez-moi vous expliquer. Allez-y. J'ai le Mac qui est pas trac, le PC déglingué et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, raccourcis, rikiki. J'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelles, l'USB constipé. J'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pas gaillarde, la disquette qui caquette, l'utilitaire qui a des verres, les icônes qui déconnent, le processeur qui est farceur, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeur, le moniteur et ta sœur. Ah mon Dieu, c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu, c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. J'ai invité la belle Suzanne l'autre jour au cybercafé. Elle m'a dit je préfère ta bécane, allons chez toi, fais-moi surfer. Hélas, ma machine est en panne. Que je lui réponds, je suis désolé. J'ai le Mac qui est pas trac, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, ouais. Le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, pas le dur. Modem qu'à la flemme, l'imprimante bien trop lente, la cartouche qui se touche et les buses qui abusent, oh, les polices qui pâlissent, le DVD fatigué, le scanner cassé nerf, le menu pomme dans les pommes, CD-ROM, c'est tout comme la mémoire sans espoir, les options en options, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui qui sont cuits, raccourcis, rikiki. J'ai l'index qui perplexe, les pixels en rondelles, USB constipé. J'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pas gaillarde, la disquette qui caquette, l'utilitaire qui a des verres, l'usicone qui déconne, le processeur qui est farceur, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeur, moniteur et ta sœur. En plus de ça, je vous cache pas, j'ai aussi quel souci, les octets pas très frais, les virus plein de tonus, les majuscules qui se bousculent, les minuscules qui copulent, le Windows qui est morose, les programmes c'est un drame, et la puce en lotus, le cordon en tire-bouchon, l'MS-DOS qui a des bosses, les menus mal foutus, le logiciel mon mari, et l'audio qui est idiot, la carte son qui est marron, la couleur, quelle horreur, les fenêtres qui se pénètrent, les symboles qui s'affolent, le système bien trop blême, le réseau qui prend l'eau, et du coup voyez-vous, il vaut mieux que vous partiez, car je sens c'est navrant, je peux plus rien maîtriser. Ah mon dieu que c'est palpitant toute cette informatique, ah mon dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps, ah mon dieu que c'est affolant toute cette informatique, ah mon dieu que c'est affolant, mais qu'est-ce qu'on ferait sans. L'informatique, encensée par le groupe Chanson Plus Bifluoré sur leur disque dur intitulé Peinture à carreaux. Parce que c'est vrai ça, l'informatique c'est un outil formidable, mais avec quelques restrictions tout de même, car comme le disait Pablo Picasso, les ordinateurs sont inutiles, ils ne donnent que les réponses. Ouais, super, ça marche. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre navigation dans l'univers virtuel, mais parfois trop réel, du monde merveilleux de l'informatique. De Karl dans l'Odyssée de l'espace, à Carla dans le Palace de l'Élysée, du modem de François à la Pascaline de Blaise et de Jean-Claude Trader au disque très dur, nous t'avons offert ce matin un panorama totalement incomplet et complètement subjectif de ce que peut être la sphère de ta carte mère. Pour conclure, on associe toujours l'ordinateur au progrès. Et c'est vrai. Mais le progrès, c'est parfois l'excès. Ainsi, chaque jour, tu laisses sans cesse des traces de ce que tu fais. Tu payes en carte bleue, tes fichiers. Tu badges à 10 heures en arrivant au bureau, tes fichiers et tes fichus. Tu surfes sur Internet, tes fichiers. Tu présentes ton passeport électronique à la douane, tes fichiers. En gros, il semble très loin. Le temps où tu pouvais dire que... Je n'ai pas peur des ordinateurs, ni des virus exterminateurs. J'ai défoncé tellement de gladiateurs qu'ils ont disparu alors. J'aimerais bien t'emmener sur le bord, te refaire le coup du conquistador. J'ai peur que tu joues les toréadors et que tu m'esquives encore. C'était Mickey 3D. Un clic sur la souris. Voilà, fin du 106e épisode, tout le monde descend. Faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est quoi l'informatique, revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h et en direct sur France Inter pour une nouvelle aventure archiloufoque et total foutraque bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Dimitri Gronoff et d'Éric Mainviel. Merci beaucoup à vous deux. C'était particulièrement impeccable. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci Flora. Merci aussi à Adèle Ponticelli, notre stagiaire, qui nous quitte ce matin et à qui nous souhaitons une très très belle route. Pour les Scud et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci Thierry. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Jennifer Guillot, documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com